intéresser votre message après allô, le déconnement. Allô, allô, oui, c'est la gendarmerie, s'il vous plaît. Oui. Nous avons reçu une plainte concernant votre établissement. Donc, il paraît qu'il y a des jets de pierre à les connaître. Pardon ? Donc, vous pouvez m'expliquer qu'est-ce qui se passe ? On intervient ou pas ? Mais où donc ? Chez vous. Il y a eu des plaintes concernant votre maison. Une plainte concernant notre maison ? Oui, des jets de pierre à les connaître. Depuis hier ? Allô, oui, bonsoir. Allô ? Oui. Le sergent Colga. Ici le sergent Colga. Concernant notre maison ? Oui, des jets de pierre et des canettes. À propos de votre vente, comme quoi vos clients jetaient des canettes sur l'établissement d'à côté, sur vos voisins, quoi. Mais des clients, vous vous trompez d'établissement, monsieur. Nous sommes une maison privée, nous sommes pas un établissement oui, de... Maison privée, oui. Oui, c'est une maison privée, c'est ça qui a pris du temps. Des canettes et des pierres sur les voisins. Non, mais je crois pas. Pardon ? gendarmerie nationale, s'il vous plaît. Vos papiers. Oui, écoutez, il est 1h du matin, faites une plaisanterie. Au revoir, monsieur.